Je suis en ville, je roule à allure lente et j'approche d'une intersection où aucun marquage n'indique le régime de priorité. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Un usager qui vient de droite a fait un appel lumineux ou appel de phare. Je m'arrête pour le laisser passer. Réponse A.